ministère. J'ai du pognon, du blues, du flic, je suis le démocrate à sa mère. Dans les couloirs de l'Assemblée, je tapine un peu, je prends des rencarts. Je casse la patte aux députés, je tire à fond sur mon cigare. Je me fous pas mal de l'électeur, il fait l'amour à sa télé. S'il me joue en cas de malheur, je lui mets le pif dans son merdier. Je tire à blanc sur Babylone pendant que les cons jouent au loto. La politique c'est mon opium, le citoyen ma tête de veau. Je place ma thune chez les petits suisses, il faut que je pense à ma vieillesse. La République écarte les cuisses et c'est moi qui passe à la caisse. Quand les moutons iront botter, ce sera le jour de la transhumance. Je serai élu comme le berger, comme un Jésus de l'alternance. Les empêcheurs et les prêcheurs, les montgolfiers, bah joli, veuillent nous interdire de faire mon beurre en cas de pépin, y'a l'amnistie. Pour nous les tops sont confortables, on n'aime pas la promiscuité. C'est au frais du contribuable, il est bien seul à se faire baiser. Deuxième carrière au cinéma, je te fais coucou à la télé. T'es ma souris, je suis ton chat, viens faire la bise au ministre. Je suis le macro de la République, moi mon bordel c'est le ministère. Je fais du pognon, du blues, du flic, je suis démocrate à sa mêlée. Je suis le macro de la République, moi mon bordel c'est le ministère. Je fais du pognon, du blues, du flic, je suis démocrate à sa mêlée. Je suis démocrate à sa mêlée.